C'est quand elle m'a dit à demain que ça m'a fait mal. C'est quand elle m'a dit je t'aime bien que j'ai vu des étoiles. C'est quand elle m'a lâché la main juste au milieu du bal que je me suis dit t'es pas malin, t'es trop sentimental. Faudrait jamais regarder une fille avec les larmes aux yeux. Faudrait jamais dire à une fille que t'en es amoureux. Faudrait jamais parler d'amour en pensant être deux. Faudrait jamais lui dire toujours quand on ne peut pas faire mieux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est quand elle m'a fait son ciné que j'ai oublié mon rôle. C'est quand elle a tout emporté que ça m'a fait drôle. C'est quand elle m'a dit n'appelle pas, je te répondrai jamais, que je me suis dit encore une fois c'est la femme que j'aimais. Faudrait jamais regarder une fille avec les larmes aux yeux. Faudrait jamais dire à une fille que t'en es amoureux. Faudrait jamais parler d'amour en pensant être deux. Faudrait jamais lui dire